enfant un peu lunaire, se disant sorti tout droit de l'imaginaire d'un pilote au Sahara. J'avais la tête en l'air et je ne voyais pas. Les gens autour de moi marchaient tout de travers. On disait oh oh oh, bon sang, ça c'est bien toi. Remets les pieds sur terre, tu n'es jamais là. On disait oh oh oh, bon sang, mais c'est bien toi. Remets les pieds sur terre, tu n'es jamais là. Lorsque j'ai eu tout fier mon baccalauréat, on m'a dit il faut te faire une place ici-bas. Je n'ai vu que l'armée de l'air pour me tendre les bras. Syntex, me voilà, à moi la stratosphère. Mais j'ai dit oh oh oh, bon sang, mais c'est pas moi. Je hais les militaires, jamais je ne marcherai au pas. Mais j'ai dit oh oh oh, bon sang, mais c'est pas moi. Je hais les militaires, jamais je ne marcherai au pas. J'ai voulu faire ingénieur et après bon petit soldat. Utile et nécessaire, enfin je me sentirai armé de mon computer et de mon doctorat. Je les protégera des flammes nucléaires. Mais j'ai dit oh oh oh, bon sang, mais c'est pas moi. Qu'ils crèvent tous de l'enfer ne me fait ni chaud ni froid. Mais j'ai dit oh oh oh, bon sang, mais c'est pas moi. Qu'ils crèvent tous de l'enfer ne me fait ni chaud ni froid. J'ai voulu être père comme tout un chacun se doit. Et histoire de bien faire, je l'ai même été deux fois. La maison pouponnière et tes rires aux éclats qui font briller de joie les beaux yeux de ta mère. Mais j'ai dit oh oh oh, bon sang, mais c'est pas moi. Je ne sais déjà pas quoi faire, alors que vais-je faire de toi? Mais j'ai dit oh oh oh, bon sang, mais c'est pas moi. Je ne sais déjà pas quoi faire, alors que vais-je faire de toi? M'enfuir sur les mers m'a fait rêver plus d'une fois. Tranquille, solitaire, à ne supporter que moi. Oublier que mes pères sont encore plus cons que ça. Et vivre sans Dieu ni loi, sans voir la moindre terre. Mais j'ai dit oh oh oh, bon sang, mais c'est pas moi. La première roule de travers et je perds mon estomac. Mais j'ai dit oh oh oh, bon sang, mais c'est pas moi. La première roule de travers et je perds mon estomac. Alors j'ai viré suicidaire, ça m'a eu l'air sympa. La bière, les vers de terre et la foule en émoi. Rester, à quoi ça sert? Qu'est-ce qui me soulagera? En un profond coma, quittons ce monde amer. Mais j'ai dit oh oh oh, bon sang, mais c'est pas moi. Je ne connais rien à la galère et je vis comme un roi. Mais j'ai dit oh oh oh, bon sang, mais c'est pas moi. Je ne connais rien à la galère et je vis comme un roi. Lorsqu'enfin Alzheimer m'aura fait oublier tout ça, à l'âge grabataire du sphincter délicat, dans les bras de l'auxiliaire qui me déconchira, je hurlerai à tout va, je gueulerai dans les airs. Lorsqu'enfin Alzheimer m'aura fait oublier tout ça, à l'âge grabataire du sphincter délicat, dans les bras de l'auxiliaire qui me déconchira, je hurlerai à tout va, je gueulerai dans les airs, je dirai oh oh oh, bon sang, c'était pas moi. Je ne suis jamais venu sur terre, je n'ai jamais été là. Je dirai oh oh oh, bon sang, c'était pas moi. Je ne suis jamais venu sur terre, je n'ai jamais été là. Je dirai oh oh oh, bon sang, c'était pas moi. Je ne suis jamais venu sur terre, je n'ai jamais été là. Je dirai oh oh oh, bon sang, c'était pas moi. Je ne suis jamais venu sur terre, je n'ai jamais été là.